Je suis extrêmement découragé de voir revenir des modes, des influences, puis même liées au milieu universitaire, où la drogue, les psychédéliques sont de retour et il y a beaucoup de gens qui vont vouloir ouvrir leur centre avec ça. On revoit aussi revenir à la mode certains types de chamanisme. Puis, ben franchement, je vous avoue que ça me met en colère. Pour s'éveiller, entre guillemets, l'être humain n'a pas besoin de s'intoxiquer. J'en vois réellement, mais réellement pas l'intérêt. Puis ça me met vraiment, vraiment en colère parce que ça va engendrer plus de problèmes que de conscience. Mais les problèmes après, c'est parce que c'est plus long, là, générer de la conscience à partir de l'intégration expérimentale, à partir de certaines choses. Donc, oui, ça me met en colère. Bien franchement, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment découragé de ça. Il y a beaucoup de gens qui vont se nuire, qui vont s'ouvrir les centres alors que c'est pas le temps. Il peut rentrer toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup encore des choses qui reviennent à la mode, des influences liées à des mouvements. Puis, je vois certains dangers là, poindre. Puis on va avoir encore plus dans les années qui viennent d'instabilité sociale par rapport à des choses comme ça.